Andi swam shita, patal flane, matfion gita. Monyo vin fem kouri, tombe dans l'eau, manke peri. Tout rat sou mwen mouye, mwen retire l pou mpa deye. Lem fè sa pou mboule, men notre dame fem tout nomile. Lem fè sa pou mboule, men notre dame fem tout nomile. Samedi matin, au météo, rat moi plavé. Moi chita son perron, on y dit, moi mette ma roue. Le fait sa pour me sortir, la pluie barré, moi passe sa sortie. Le fait sa pour me sortir, la pluie barré, moi passe sa sortie. Elle m'a calculé. Pas à marcher, deux pieds m'embêter, bagaille la dominée, tellement calculé. Moi, pas à marcher, deux pieds m'embêter, bagaille la dominée. Moi, pas v'lé sortir, moi, pas calé, deux pieds m'embêter, bagaille la sa mache, de pied m'embêté, bagay la domine, tellement calculé. Mouen pas sa mache, de pied m'embêté, bagay la domine. Mouen ta vle sorti, mouen pa kale, de pied m'embêté, bagay la domine. Sa marche, de pied m'embêté, bagay la domine, tellement calculé. Moi pas sa marche, de pied m'embêté, bagay la domine. Toute la nuit,